إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication du tafsir de Surat Fatir. Et on est arrivé, on va commencer aujourd'hui par la suite de ce qu'on a expliqué hier. On était arrivé au verset 15, on a lu le verset 15 et on l'a expliqué. Et donc, Inch'Allah, on a lu le tafsir de Cheikh Al-Sa'di, Abdurrahman Al-Sa'di, au sujet de ces versets-là, le verset 15 et les versets précédents. Et maintenant, Inch'Allah, on va lire la suite du tafsir, Inch'Allah, sauf qu'on va le lire avec le tafsir de l'imam Ibn Kathir, Inch'Allah, pour compléter un peu plus la signification, puis rajouter quelques points. Inch'Allah. Donc, le verset 15, c'est « Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. In yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. » Donc ça c'est les versets, puis après Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la suite: wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamu as-salah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahi al-masir. C'est-à-dire, ô homme, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui est riche et qui se dispense de tout, qui se suffit à lui-même. Il est le digne de louange. Et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. Et cela n'est point difficile pour Allah. Or, personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre âme, même si c'est un proche parent. Je n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas et qui accomplissent la salat. Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. Le cheikh, l'imam du Kathir, dans le tafsir, il dit: يخبر تعالى بغناه عما سواه وبافتقار المخلوقات إليه كلها وتذللها بين يديه فقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء أي هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات وهو تعالى الغني عنهم بالذات ولهذا قال عز وجل وهو الغني الحميد أي هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه وقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم وما هذا عليه بصعب ولا بممتنع ولا ممتنع ولهذا قال تعالى وما ذلك على الله بعزيز. Donc le Cheikh l'imam Ibn Kathir il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset de sa richesse, hein, de sa richesse et du fait qu'il a, il n'a aucun besoin de quoi que ce soit et de quiconque et qu'il se suffit à lui-même, hein, et ça, ça fait partie de ses noms et de ses attributs de perfection et c'est quelque chose qui lui est particulier parce que tout ce qui est en dehors de lui a besoin de lui tandis que lui n'a besoin de personne, hein, il n'a besoin de rien, il se suffit à lui-même, hein, et en même temps c'est une chose qui distingue, hein, celui qui mérite d'être adoré de tout ce qui est adoré parmi les fausses divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les hommes ont besoin de quelqu'un, ont besoin de quelque chose, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-ma'bud al-haq, celui qui est adoré en toute vérité, eh bien lui il n'a besoin de rien et de quoi, il n'a besoin de personne, hein, il n'a pas besoin de quoi que ce soit, il se suffit à lui-même. Et toutes les créatures ont un besoin et sont pauvres vis-à-vis de lui. Elles ont toutes besoin de lui et elles sont toutes soumises devant lui et humiliées devant sa présence, devant lui. فقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à l'humanité tout entière. Il dit ô vous les hommes, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah. C'est-à-dire, vous êtes les gens qui êtes indigents, vous êtes dans le besoin d'Allah, dans tout ce que vous faites, dans tous vos mouvements et dans tous vos repos. Peu importe dans quel état vous avez besoin d'Allah. Et tandis que lui, il est celui qui se suffit à lui-même, qui est riche en sa personne même. Ça fait partie de son être, sa richesse fait partie de son être. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala dit justement wa huwa al-ghani al-hamid. Et c'est lui le riche, celui qui se suffit à lui-même et qui est digne de louange. Et c'est lui seul qui possède cette richesse. Et il n'a aucun partenaire dans cette richesse. Et il est al-hamid fi jami'i ma yaf'aluhu wa yaquluhu. Donc il est le digne de louange dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Et dans tout ce qu'il prédestine et qu'il détermine et dans tout ce qu'il a légiféré. Donc il est digne de louange dans toutes ces choses-là. Et il dit wa qawluhu ta'ala in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il vous fera disparaître et ramènera une créature nouvelle. C'est-à-dire s'il voulait, il vous ferait partir, vous ferait disparaître vous tous, c'est-à-dire tous les êtres humains. Et vous ferez tous disparaître, et il ramènerait une autre créature complètement différente. Et ça, ce n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça nous fait comprendre la reconnaissance qu'on a et qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait qu'il nous a créés et qu'il nous donne de ses grâces, et qu'il n'a aucun besoin de nous. Donc ça nous fait comprendre que dans ce cas-là, on doit être encore plus reconnaissant. Il n'a aucun besoin de nous. C'est ça le point qui est important à comprendre. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est parce qu'il a besoin de nous. Pas du tout. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Et donc, si on lui obéit, ça ne lui rajoute rien dans son royaume. Et si on ne le ne lui obéit pas, ou si on le désobéit, on lui désobéit, eh bien ça ne lui enlève rien dans son royaume. Et comme les ulama l'ont expliqué, si on l'obéit et si on l'adore, c'est pour notre bien à nous et c'est pour nous-mêmes. Et si on lui désobéit et si on contredit ses ordres, et qu'on fait des péchés, eh bien c'est à nous-mêmes qu'on se fait du tort et c'est pas à lui. Contrairement à certains égarés ou certains pécheurs, certains mécréants qui veulent parfois défier Allah subhanahu wa ta'ala ou défier les croyants en montrant leur péché ou en exhibant leur péché devant eux, en pensant qu'en faisant ça ils font du tort à Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'en pensant qu'en faisant ça ils font du tort aux croyants, alors que la réalité c'est qu'ils ne font que du tort à eux-mêmes, hein, et c'est ça la réalité. Ensuite le cheikh il cite la, il mentionne que donc que ça c'est pas difficile pour lui. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, il nous ferait disparaître tous et il ramènerait un autre peuple ou une autre créature qui nous remplacerait, et ça ce serait, et ça c'est quelque chose qui est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas du tout difficile ni impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a rien qui est difficile pour lui, il n'y a rien qui est impossible pour lui. Et donc lorsqu'on est conscient de ça, eh bien ça doit nous pousser à être encore plus obéissant et encore plus reconnaissant de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça nous pousse également à avoir encore plus de crainte et d'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Et je me souviens souvent, j'ai eu des discussions parfois avec avec des koufars parmi les chrétiens, les témoins de Jéhovah et d'autres, yani même avant l'islam, et je me souviens que certains d'entre eux disaient, quand je leur mentionnais que Allah subhanahu wa ta'ala était tout puissant, ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la fitra de chacun d'entre nous, c'est-à-dire tout le monde en lui-même, au fond de lui-même, il est conscient que Allah existe et qu'il est tout puissant. Ça c'est des choses, hein, qui font partie, ça fait partie de la fitra, hein, ça fait partie de la fitra. Donc quand je mentionnais, je me rappelle, et j'avais pas encore étudier yani, l'islam, le Coran, mais même dans la Bible on en mentionne des choses de ce genre là donc que Allah est tout puissant et qu'il n'a besoin de rien. Et quand je leur disais que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il peut détruire toute la terre, toute la création, tout l'univers, il n'a besoin de rien, et eux ils détestaient entendre ça, hein, ils détestaient entendre ce genre de paroles de vérité. Hein, il disait non, Dieu ne va pas détruire ce qu'il a créé, hein, et des choses de ce genre. Donc c'est pas parce qu'il va pour dire qu'il détruit ce qu'il a créé, c'est pour montrer qu'il est tout puissant et qu'il n'a besoin de rien et besoin de personne, et que c'est nous qui avons besoin de lui. Et donc on doit reconnaître ça et se soumettre à lui et être humble envers lui et s'humilier, hein, et faire preuve de soumission et reconnaître qu'il est tout puissant et avoir de l'amour et de la crainte pour lui, hein. Donc ensuite la suite de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset, na'am, on revient maintenant au tafsir de l'imam Sa'di, lorsqu'il dit, après il dit wa yadullu ala المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. Donc hier on a mentionné par rapport au tafsir dans surat du verset qu'on a expliqué, le verset 15, on a expliqué également le verset 16 qui dit إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Dans le tafsir de Sa'di on a donné les deux possibilité de signification. Celle qui est mentionnée par Ibn Kathir, on l'a mentionné, hein, qu'il peut vous faire disparaître et vous détruire tout et ramener une nouvelle création. Donc ça, c'est une sorte de menace en même temps, puis pour montrer sa toute puissance et sa volonté. Et également, la deuxième possibilité, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va effectivement faire détruire toute cette création, et par la suite il va tous nous ressusciter, hein, au jour de la résurrection par sa volonté, et que c'est pour montrer donc que sa volonté, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose, eh bien ça c'est exécuté, hein, et tout ce qu'il veut est mis en application selon sa volonté, et qu'il est capable de nous recréer en une nouvelle création après la mort. Et que ça c'est selon un terme fixé, et donc ce terme-là il peut pas être devancé ni reculé. et cela n'est pas difficile pour Allah, eh bien, Yani Cheikh Sa'di, il dit que la deuxième signification, eh bien, elle est supportée justement par qu'est-ce qui suit dans l'explication du verset, du fait que ça serait, ce serait au sujet de la résurrection, puisque il dit, à la suite de ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et aucune âme ne portera le poids d'une autre. Voilà, taziru wa ziratun wizra ukhra. Fi yawm al-qiyamah. كل أحد يجازى بعمله ولا يحمل أحد ذنب أحد وإن تدع مثقلة أي نفس مثقلة بالخطايا والذنوب تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى فإنه لا يحمل عن قريب وليس حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا يساعد الحميم حميمه والصديق صديقه بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد ولو على والديه وأقاربه. أي نعم. Donc Cheikh explique que au jour de la résurrection, chacun sera rétribué selon ses œuvres, et personne n'aura apporté le péché de quelqu'un d'autre. Hein? Et donc ça, c'est une réponse à ceux parfois qui essaient de justifier leur péché à eux par rapport à ce que d'autres ont fait, ou qui veulent parfois s'abstenir de suivre la vérité ou de faire ce qui est obligatoire pour eux de faire, en cherchant d'utiliser comme prétexte ou comme excuse ce que font les autres comme péché. Hein? Par exemple, ceux qui vont dire, ah, mais moi je ne veux pas accepter par exemple l'islam parce que j'ai vu des musulmans qui font des mauvaises choses, ou qui font des péchés, ou qui font de l'injustice, hein? Ou qui pensent à tout ce qui se passe aux autres autour de lui, hein? Comme argument ou prétexte pour ne pas suivre l'islam. Eh bien, ça c'est pas un argument, puisque ceux qui font des péchés ou des mauvaises choses parmi ceux qui se disent musulmans, eux ils seront jugés pour ça, et toi tu seras jugé pour toi. Donc pense à ta propre personne, dans le sens que commence par te sauver toi-même et accepter la vérité pour toi-même et appliquer ce que Allah t'ordonne, et puis par la suite, hein, tu pourras penser aux autres. Mais pour l'instant, commence par toi-même. Hein? Commence par toi-même et pense à tes péchés à toi, au lieu de penser aux péchés des autres. Hein? Donc ça, c'est un point important dans ce sens-là, pour dire, bien, préoccupe-toi pas du péché des autres ou des erreurs des autres. Si eux, ils ont désobéi, c'est pas quelque chose qui doit t'empêcher de suivre toi la vérité. Ou la même chose pour ceux parfois qui apprennent des choses au sujet de la salafia, et ils disent par exemple, moi je suis en accord avec le Coran et la sunna et la compréhension des salafs salih, sauf que j'ai rencontré certaines personnes qui se disaient salafis et je suis pas en accord avec eux parce qu'ils ont un mauvais comportement avec les autres. Eh bien, on leur répond à ces gens-là que si ces gens-là ont eu, eux, un mauvais comportement, hein, déjà en partant, il faut savoir qu'est-ce que signifie le comportement selon le Coran et la Sunna, et dans quel contexte la personne a mal agi, pour voir, parfois il y a des contextes qui peuvent être un peu compliqués, donc des fois c'est mal interprété, ou c'est interprété comme étant un mauvais comportement alors que c'est pas le cas. Donc il y a des exemples comme ça, mais sinon aussi, même si c'était le cas que certaines personnes qui se disaient salafis n'avaient pas eu un bon comportement, ou n'agissaient pas correctement, ou ont commis des péchés, eh bien ça c'est pas un prétexte pour que toi tu refuses de suivre la vérité, qui est la voie des salafs salih. Puisque chaque personne au jour de la résurrection aura apporté ses péchés à elle, et elle ne sera pas questionnée, hein, ou demandée par rapport aux péchés des autres. Et c'est pour ça que le verset justement, il dit « وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » Aucune âme n'aura apporté le péché d'une autre âme. Chacun sera rétribué et jugé selon ses actions à elle. Donc que la personne se préoccupe de sa personne à elle en premier. Et qu'elle accepte la vérité pour elle-même en premier. Et qu'elle soit elle-même une bonne exemple, hein, et qu'elle donne elle aussi la bonne exemple aux autres en premier. Et puis par la suite, si elle a réussi à faire ça et qu'elle a appris comme il faut la vérité et les principes de l'islam, eh bien par la suite elle pourra penser au sort des autres, essayer de les aider, essayer de leur enseigner, de leur ordonner le bien, de leur interdire le mal, mais yani de se juste de, d'utiliser les autres comme prétexte pour faire des péchés, pour que nous on puisse faire des péchés, ou yani d'essayer de mentionner par exemple les erreurs des autres pour comme prétexte pour ne pas suivre la vérité soi-même, ça c'est quelque chose qui est inacceptable. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même à la suite donc justement de ce verset-là, wa in tad'u musqalatun, c'est-à-dire yani nafsun musqala. Si il y a une âme qui est surchargée de péché et de désobéissance et qu'elle appelle à l'aide pour que des gens viennent l'aider à porter la charge de ses péchés au jour de la résurrection, parce qu'elle en a trop, eh bien, aucune personne ne viendra l'aider. Aucune personne ne viendra l'aider à porter cette charge, parce que les gens vont porter, au jour de la résurrection, les gens vont porter leurs péchés sur leur dos, hein, et ils vont devoir le supporter, hein, donc c'est quelque chose qui sera très lourd. Hein? C'est pas quelque chose qui sera facile. Et la personne qui aura tellement de péchés, qui aura trop de péchés, elle va chercher de l'aide. Elle va demander aux gens, aidez-moi à porter cette charge, parce que c'est trop lourd. Hein? J'ai trop de péchés, j'ai trop de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et maintenant ça c'est sur mon dos, je dois le porter au jour de la résurrection. Eh bien, aucune âme ne pourra venir les aider. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. Même si c'était des proches, même si c'était des proches parents, c'est-à-dire même tes proches, tes frères, tes amis, tes parents, dans cette vie, tes parents, hein, ils te supportaient, ils t'aidaient, hein. Depuis ton tendre enfance, quand tu étais tout petit, quand tu étais bébé, jusqu'à ce que tu grandisses, ils se sont occupés de toi et ils t'ont toujours supporté et aidé lorsque tu avais des problèmes et tout. Et sinon, c'est tes frères, tes parents, tes proches, tes oncles, tes tantes ou autres. Ils t'ont aidé, tes proches de ta famille. Donc, ils sont venus en aide, ils se sont proposé pour t'aider lorsque tu avais des difficultés, tes amis, hein, tes amis, les gens que tu côtoies, tes collègues ou autres, ils pouvaient t'aider dans cette dunya si tu avais quelque chose à porter, ou si tu devais transporter quelque chose, ou si tu devais faire quelque chose. Au jour de la résurrection, personne ne t'aide à porter quoi que ce soit, hein. Tous tes péchés, tes œuvres, tu dois les porter toute seule, toi-même. Donc la situation et l'état de qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà, c'est pas comparable à la situation de qu'est-ce qui se passe dans cette dunya ou dans la dunya. L'ami aide son ami, hein, et le proche aide le proche, hein, dans cette vie d'ici-bas non, dans cette vie d'ici-bas oui, mais dans l'au-delà non. Dans l'au-delà, au jour de la résurrection, chaque personne, hein, ne pense qu'à lui-même. Et personne n'a de droit sur personne, hein, même si c'était les proches parents, ou les parents, ou les proches, ou les voisins ou autres, ou les amis. Personne n'aide personne, personne ne peut faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre. Chacun pense à sa propre personne au jour de la résurrection. Innama, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il explique, il dit innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil-ghaybi wa aqamu as-salah, ay ha'ula alladhina yaqbaluna an-nadhara وينتفعون بها أهل الخشية لله بالغيب أي الذين يخشونه في حال السر والعلانية والمشهد والمغيب وأهل إقامة الصلاة بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها لأن الخشية لله تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضييعه العقاب والهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر. Donc le cheikh explique que tu peux uniquement ou tu vas uniquement avertir, hein, tu vas avertir, tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur bil-ghayb, hein, bil-ghayb, c'est-à-dire qui craignent leur Seigneur sans le voir, hein, sans l'avoir vu, et qui accomplissent la salat. Le cheikh explique ce verset-là, cheikh Sa'di, il dit, ceux que tu avertis, c'est-à-dire que tu vas avertir yani, de l'enfer et que tu vas avertir du châtiment qui a été préparé pour les gens qui désobéissent à Allah et les gens qui désobéissent aux messagers, hein, ceux que tu vas avertir de ça, c'est uniquement ceux qui acceptent l'avertissement et qui en profitent. Hein, qui en profitent, c'est-à-dire ils prennent une leçon de ça et ils mettent ça en application, c'est-à-dire les gens qui ont la crainte d'Allah, bil-ghayb, c'est-à-dire qu'ils craignent Allah dans les moments où ils sont en secret et dans les moments où ils sont devant les autres, que ce soit en secret ou en public, hein, que ce soit ouvertement ou caché. Hein, ce sont les gens également qui établissent la salat. Et qui établissent la salat, mais pas juste n'importe quelle salat. Qui établissent la salat avec ses conditions, avec ses limites, avec ses règles, avec ses piliers, avec ses obligations, avec sa concentration et son humilité. Hein, ça, c'est la salat qui est exigée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh explique que les gens qui ont la crainte d'Allah, c'est les gens qui ont la crainte d'Allah et que cette crainte-là les amène, c'est la crainte d'Allah qui amène le serviteur à agir d'une façon qui fait que elle craint que, c'est-à-dire que le cheikh explique que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelle crainte? C'est la crainte du serviteur qui va l'amener à faire les actions que s'il les néglige ou qu'il les délaisse, il va avoir un châtiment. Et qui le pousse à s'enfuir des actions dont on craint que si on les fait, eh bien, on aura un châtiment en les faisant. Donc, c'est ça le but de la crainte, en fait. La crainte d'Allah, c'est pour amener le serviteur à faire ce qui est ordonné, parce que s'il ne le fait pas, il craint de se faire châtier par le fait qu'il a abandonné cette chose-là. Et également, c'est de s'écarter et de fuir de ce qui est un péché, de ce qui est interdit, à cause de la crainte du châtiment qui découle de ça. C'est ça la crainte. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas juste une parole avec la bouche. Hein? C'est quelque chose qui doit pousser le serviteur à agir. C'est quelque chose qui doit pousser le serviteur, hein, l'homme ou la femme, à faire ce que Allah ordonne et à s'écarter de ce qu'il interdit. Donc si quelqu'un dit par exemple, moi je crains Allah, je crains personne sauf Allah, mais qu'il ne fait pas qu'est-ce qu'Allah ordonne. Par exemple, quelqu'un dit, moi je crains Allah seul, je crains personne d'autre que lui. J'ai la crainte d'Allah, mais il ne fait pas la salat par exemple. Ça veut dire qu'il ne craint pas Allah. S'il dit qu'il craint Allah, mais qu'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde ce qui est haram, ou il fait ce qui est haram, ou il boit ce qui est haram, ou il mange ce qui est haram, ou ainsi de suite, eh bien, il ne craint pas Allah comme il faut. Hein? Soit il ne craint pas Allah du tout, ou soit il ne craint pas correctement, complètement comme il doit. D'accord? Donc, tout ça, c'est parce qu'il y a soit une faiblesse dans la foi, une faiblesse dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne, donc, quand elle a établi sa salat correctement, cette salat, elle doit avoir un effet aussi sur lui. Et cet effet, c'est que ça doit l'amener à faire le bien et à s'écarter et à cesser de faire les péchés, la turpitude et le mal. Hein? Parce que des fois, on remarque qu'il y a des gens qui font la salat, et ça, c'est une chose qui est vraiment surprenante et étonnante parfois, qu'ils font la salat 5 fois par jour, et même parfois ils prient la prière à la mosquée, mais qu'il n'y a rien qui change dans leur façon de vivre, et dans leur façon d'être, et dans leur façon de s'habiller, et dans leur façon d'agir, et dans leur comportement, et dans leurs habitudes de vie. C'est comme si ils font ça juste comme si c'était une habitude qu'ils ont pris. Hein? Mais en dehors de ça, il n'y a rien qui change. Ils ne font pas d'efforts pour augmenter leur compréhension et leur connaissance de l'islam. Ils ne font pas d'efforts pour changer leur façon de s'habiller, pour cesser de ressembler ou d'imiter aux kuffar et aux mushrikin. Ils ne font pas d'efforts, par exemple, pour abandonner certains péchés. Par exemple, juste comme exemple, raser la barbe, laisser les pantalons qui traînent en bas de la cheville. Par exemple, porter des vêtements serrés lorsqu'ils vont prier. Par exemple, porter des casquettes en allant à la mosquée. Par exemple, porter des vêtements avec des dessins et des images et des écritures de la mode. Hein? Ou bien, par exemple, faire des coupes de cheveux qui sont des imitations des kuffars. Ou bien, par exemple, fumer la cigarette. Parfois, tu vois des gens qui vont fumer la cigarette juste en face de la mosquée. C'est-à-dire, ils sortent de la prière, et aussitôt qu'ils sont arrivés dehors, ils allument la cigarette. Et quand ils voient quelqu'un, ils la mettent derrière le dos, ils disent assalamu alaikum, alaikum salam. Hein? Non, mais ça, c'est la honte. Hein? Des exemples comme ça, de la part de personnes qui prient à la mosquée. Des fois, tu les vois, par exemple, dans certains pays, c'est des gens qui prient à la mosquée, puis quand ils sortent de la mosquée, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont que s'asseoir dans les cafés. S'asseoir dans les cafés. Je dis pas, parce que je sais que dans certains pays, il y a les cafés, il y a de l'alcool dedans. Hein? Tandis que dans d'autres pays, il y a les cafés, c'est seulement du café, des jus, et il n'y a pas de boisson alcoolisée dedans. Mais même dans ces endroits-là où il n'y a pas de boisson alcoolisée, eh bien, qu'est-ce que les gens font dans ces endroits-là? Eh bien, ils s'assoient, ils font al-qil wal-qal, de perdre leur temps à raconter n'importe quoi, à parler de n'importe quoi, juste de la dunya ou des choses de ce genre. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient au bord de la rue, sur les terrasses, ils regardent les femmes, ils regardent les gens qui passent, et ils restent là toute la journée comme des gens qui ne savent pas quoi faire de la vie, comme s'ils avaient été créés juste pour rester assis sur les terrasses pour regarder les gens qui passent et pour discuter et perdre leur temps de cette façon-là. Hein? Et on dirait que c'est devenu un mode de vie pour une partie de la population dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Hein? Pour les gens qui, même ceux qui vont à la mosquée, 5 fois par jour parfois. Au lieu de profiter de leur temps à faire des choses qui sont vraiment importantes pour leur akhira et pour leur dunya aussi, et faire des choses qui sont bénéfiques pour eux. Donc, il y en a quelqu'un qui a compris l'islam, qui a compris la valeur de l'adoration d'Allah, qui a compris l'importance de chaque seconde dans sa vie. Qui comprend la valeur et la signification de cette salat que tu fais, mais c'est pas possible que après des années que tu fais la prière et que cette prière-là, elle t'aide pas ou elle te pousse pas à changer ces mauvaises habitudes-là et à cesser d'agir de cette façon-là. Hein? Juste ici, par exemple, à Montréal, dans un des quartiers où il y a beaucoup de musulmans, eh bien, parmi les commerces qu'on retrouve, hein, sur la même rue, hein, dans un petit bout de rue, il y en a de même pas peut-être 2 ou 3 kilomètres, hein, dans un quartier dont la rue principale elle est peut-être de 3 kilomètres seulement, on retrouve comme environ sept cafés. Subhanallah. 7 cafés, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens, ils ont pas d'autre chose à investir leur argent qu'à faire du café. Et que les gens, ils ont rien d'autre à faire qu'aller s'asseoir dans ces endroits-là pour perdre leur temps, hein, et parler de n'importe quoi. Donc, il y a un problème. Donc ça, c'est des exemples. Hein, des exemples que cette prière-là que tu fais, il faut qu'elle te pousse à changer. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas juste une parole qu'on dit avec la bouche. Des fois, tu vois des gens qui prient pas, qui jeûnent pas, qui font aucun acte d'adoration, qui désobéissent tous les commandements d'Allah, hein. Et puis, quand ils parlent avec quelqu'un pour se montrer dur ou se montrer fort, hein, ils disent, moi, j'ai peur de personne sauf d'Allah. Hein, en voulant dire, j'ai pas peur de toi, j'ai pas peur de quelqu'un d'autre, j'ai peur de personne, j'ai juste peur d'Allah. Mais ça, les gens qui parlent de cette façon-là, c'est des ignorants. C'est-à-dire des gens qui connaissent pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que s'ils craignaient vraiment Allah, eh bien, ils feraient qu'est-ce que Allah ordonne. Donc quand quelqu'un te dit ça, dis-moi je crains personne sauf je crains seulement Allah, tu lui dis non, c'est pas vrai. Parce que si tu craignais vraiment Allah, tu ferais les 5 prières par jour. Hein? Et tu obéirais à ce que Allah t'ordonne de faire, et tu t'écarterais de ce que Allah a interdit. Donc si tu agis de cette façon-là, tu ne crains pas Allah. Hein? Et pas juste devant les gens, mais également en privé et en secret. Donc, c'est ça la crainte d'Allah. Inshallah, un tawfiq, un sadad. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide et qu'il nous donne cette crainte et qu'il emplisse notre cœur de cette crainte en lui. Hein? Cette crainte qui nous pousse à l'obéir et qui nous pousse à nous écarter de ce qui est haram et qu'il mette également en nous l'amour en lui, l'amour de ce qu'il aime et également son amour et l'amour de ceux qu'il aime et de ceux qu'il aime. Hein? Qui nous pousse justement à vouloir l'obéir et qui nous pousse à vouloir faire encore plus d'efforts dans son adoration. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ » Cheikh, il dit « وَمَنْ زَكَّى نَفْسَهُ بِالتَّنَقِّي مِنَ الْعُيُوبِ كَالرِّيَا وَالْكِبْرِ وَالْكَذِبِ وَالْغِشْ وَالْمَكْرِ وَالْخِدَاعِ وَالنِّفَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ وَتَحَلَّ بِالْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ مِنَ الصِّدْقِ وَالْإِخْلَاصِ وَالتَّوَاضُعِ ولين الجانب والنصح للعباد وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرهما من مساوي الأخلاق فإن تزكيته يعود نفعها إليه ويصل مقصودها إليه ليس يضيع من عمله شيء وإلى الله المصير فيجازي الخلائق على ما أسلفوه ويحاسبهم على ما قدموه وما عملوه ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم. Donc le cheikh explique ensuite, il dit quiconque se purifie, hein, s'est purifié, ne se purifie que pour lui-même. Et vers Allah est la destination. Donc, le cheikh As-Sa'di, il explique que celui qui a purifié sa personne, qui a purifié son âme, en la nettoyant des imperfections et des défauts qu'il y a dans son âme, comme, par exemple, l'ostentation. Il a purifié et nettoyé son âme de différentes formes de riya, d'ostentation, de vouloir faire des actions ou de dire des choses, hein, pour se faire voir et pour se faire louanger et glorifier des autres, hein, et non pas pour Allah seul. Donc ça c'est ar-riya. Donc il faut se purifier de ça. Il faut se purifier également de l'arrogance qu'on peut avoir, ou de l'orgueil qu'on peut avoir dans notre cœur, et de la fierté, hein. Ou bien yani al-kibr, donc le fait de, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué, al-kibr qu'est-ce que c'est? C'est batr al-haq wa ramt al-nas, c'est-à-dire le al-kibr, l'orgueil, l'arrogance, c'est quoi? C'est de rejeter la vérité et de mépriser les gens, c'est ça. Ou bien du fait que tu te sens supérieur aux autres, ou supérieur, hein, à tes frères ou aux autres personnes en général, et que tu rejettes la vérité, hein, tu refuses de te soumettre par fierté, par orgueil, parce que tu t'élèves toi-même, tu te grandis toi-même. Et la pire orgueil, bien entendu, c'est l'orgueil envers Allah. Lorsque quelqu'un est orgueilleux devant Allah au point de refuser de se soumettre à lui, hein, et de refuser de l'obéir. Comme Iblis, la'anahullah, lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam, sous l'ordre d'Allah. Et également, lorsque quelqu'un rejette le message des messagers par fierté, par orgueil, hein, par arrogance, eh bien, ça c'est des exemples. Ça c'est kofr. Tandis que si quelqu'un il est fier et arrogant ou orgueilleux devant ses frères, dans son comportement avec eux et des choses de ce genre, eh bien ça aussi c'est quelque chose qui est mauvais, parce que le croyant n'a pas le droit de mépriser un autre croyant, hein. Et également le mensonge des personnes qui prennent comme comportement le mensonge. Ils mentent dans leurs paroles, ils mentent dans leurs actions, et ils prennent l'habitude de mentir et de dire le contraire de la vérité. Et ça, c'est un des pires comportements. Un des pires comportements. Et al-rish aussi, le fait de tricher, hein, de tricher de tricher d'autres personnes, hein, de tricher dans le commerce, de tricher dans dans nos interactions avec les gens, de tricher dans le travail, de tricher dans les examens à l'école, de tricher peu importe dans quel domaine que tu triches, tu déformes la vérité, hein, tu mens, ça fait partie des pires comportements. De même que al-makr wal-khida, hein, d'agir par ruse et par complot, d'agir par par sournoiserie, par trahison, de trahir les gens, trahir leur confiance, ça c'est parmi les pires comportements que quelqu'un peut avoir. An-nifaq, hein, l'hypocrisie. Et qu'est-ce qu'on appelle parfois aussi dhul-wajhain, hein, dhul-wajhain, c'est-à-dire celui qui a deux visages. Avec des gens il parle d'une façon et il leur dit oui, on est d'accord, on est ensemble, c'est correct, qu'est-ce que vous faites, je suis avec vous. Puis il va vers les gens qui sont en opposition avec les gens de la vérité par la suite, que ce soit parmi les kuffars, les mushrikines, comme les hypocrites, ceux qui détestent l'islam, qui ont une hypocrisie majeure, hein, une hypocrisie majeure, c'est-à-dire qui les fait sortir de l'islam, parce que dans leur cœur ils sont des ennemis de l'islam, mais ils le cachent, hein. Ils se font passer pour des musulmans alors qu'au fond de leur cœur ils sont pas musulmans, ils sont juifs ou chrétiens ou idolâtres ou athées ou laïcs ou communistes ou démocrates ou socialistes ou autres, mais ils sont pas musulmans, mais ils se font passer pour des musulmans, hein. Ces gens-là, c'est des munafiqoun, leur nifaq c'est un nifaq majeur. Tandis qu'il y a d'autres, c'est pas des coupables nécessairement, mais ils ont un comportement d'hypocrite, hein. Et ça c'est le nifaq mineur, hein. Comme par exemple ils sont avec les musulmans qui suivent la sunna, ils leur parlent comme s'ils sont avec eux. Et ils disent, oui, nous on aime la sunna, Ahle sunna wal jama'a, on suit la voie des salafs et on est sur la compréhension des salafs al-salih. Et puis, quand il va avec les gens de bid'a, parmi les hizbiyyin, parmi les ikhwan, parmi les tabliriyin, hein, et parmi les gens qui suivent d'autres groupes et d'autres tendances d'égarement, il va vers eux puis il dit non, en réalité je suis avec vous, ces gens-là, c'est, les salafis, c'est pas des gens qui sont vrais, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc ça, c'est une forme de nifaq aussi. Hein, c'est une forme de nifaq. Hein. Ou bien même des gens qui agissent d'une façon avec des gens, puis qui disent le contraire de ce qu'ils disent, mais quand ils sont avec d'autres, ils disent le contraire. Hein? Ça c'est comme le professeur Hassan a parlé, Zulwajhain, la personne qui a deux visages. Et il y en a même qui ont trois visages, et quatre visages, et cinq visages, Allah al-Musta'an. Ça fait partie des pires comportements. C'est comme des gens qui agissent comme des caméléons. Ça c'est parmi les pires comportements que le musulman il n'a pas le droit d'avoir. Tu vois des musulmans par exemple, Allah musta'an, qu'ils soient avec des koufars au travail et qu'ils voient que des koufars qui se moquent de certains aspects de la religion, eh bien ils rient avec eux, ils rigolent avec eux, hein, et ils rentrent dans les blagues avec eux contre les musulmans, contre l'islam. Et puis quand ils retournent avec les musulmans, ils parlent comme s'il est avec les musulmans. Ça c'est une forme de nifaq. Ça c'est une forme de nifaq grave. Hein? Parce que se moquer de l'islam, c'est kufr. Se moquer de l'islam et des musulmans et des aspects de la sunna, c'est kufr. Ça fait partie des nawaqid de l'islam. Il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux. Également, il y en a donc que tous les mauvais comportements que quelqu'un peut avoir dans son cœur, il faut s'en purifier et s'en nettoyer. Comme par exemple, la jalousie, la rancune, et des choses de ce genre. Donc le musulman, il doit se purifier lui-même de ces maladies-là qu'il a dans son cœur. Et se parer des plus beaux comportements, comme le fait d'être véridique, d'être sincère, d'avoir une pureté d'intention, pureté dans ses actions. Quand il agit que pour Allah. Il fait preuve d'humilité, hein, et de modestie. Il est modeste, il n'est pas orgueilleux, arrogant et fier avec ses frères. Linul janib, c'est-à-dire il ne va pas être dur avec ses frères, il va être doux avec ses frères. Hein, et il va être sincère avec les serviteurs d'Allah, dans le sens que il va leur donner le bon conseil et il va agir avec eux pour leur bien, hein, pour leur bien. Et il a également le cœur en paix par rapport à ses frères, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de rancune contre quelqu'un parce que la personne a fait une erreur ou a mal agi envers elle. Eh bien, il ne va pas garder ça dans son cœur, pour dire par exemple à lui, il m'a fait ça, je l'oublierai jamais, je le pardonnerai jamais. Parce qu'il y a des gens comme ça. Des gens, si jamais quelqu'un lui a fait un tort ou a agi d'une façon il a agi incorrectement ou lui a fait un tort quelconque, il ne va jamais le pardonner. Et même des fois, comme ça peut arriver même entre un homme avec sa femme. Hein? Une femme, par exemple, son mari lui a fait une injustice, il dit, ah, mais je ne vais jamais le pardonner, je ne vais jamais l'oublier. Peut-être même des années après, elle va lui rapporter encore la chose qui est arrivée, alors qu'elle l'avait pardonné déjà au début. Alors, ça c'est des exemples, hein? Des exemples comme ça, des gens qui ne pardonnent pas. Et ça, c'est pas correct. Hein? Donc, si on s'est excusé et on a accepté les excuses, eh bien, il faut être... le cœur en paix. Il faut oublier la rancune qu'on peut avoir. Et également, tous les mauvais comportements que quelqu'un peut avoir. Il faut se purifier de ça. Et de se débarrasser de tous les mauvais comportements qu'on pourrait avoir et c'est ça de se purifier. Hein? Et celui qui se purifie de cette façon-là, eh bien, le bienfait de ça, ça revient à lui-même. Hein? C'est la personne qui se purifie qui va profiter de cette purification-là. Hein? Et ça revient à lui-même. C'est pour son bien à elle. Comme je disais tout à l'heure, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, il dit, si, vous les hommes, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah, et Allah est le riche qui se suffit à lui-même, qui est digne de louange, s'il veut, il va vous faire tous disparaître et ramener une créature différente, ou une nouvelle créature, une nouvelle création, et cela est facile pour Allah. Et après, plus tard dans le verset, il dit, et celui qui se purifie ne se purifie que pour lui-même. Ça veut dire, si vous faites du bien, c'est pour vous-même. Et si vous faites du tort, vous ne faites du tort qu'à vous-même, pas à Allah. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné toutes ces choses-là pour notre bien à nous. Wa ila Allah il masir. Allah subhanahu wa ta'ala ne fera rien perdre de nos bonnes œuvres et c'est vers lui qu'on va retourner. Et lorsqu'on va retourner vers lui, hein, et lorsque les créatures vont être ramenées vers lui, eh bien, il va les rétribuer selon ce qu'ils ont fait précédemment et ils seront jugés selon ce qu'ils ont ramené comme action, hein, comme croyance. Et même si c'est la plus petite des choses, ou que ce soit grand ou petit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a calculé, il l'a énuméré, hein, et il l'a enregistré, hein, et yani, au jour de la résurrection, les gens vont dire ça. قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وما يظلم ربك أحدا. Allah subhanahu wa ta'ala, les gens au jour de la résurrection vont dire, malheur à moi, hein, mais qu'est-ce qu'il a ce livre, il ramène tout, hein, il a tout enregistré. Il n'y a pas une petite chose, ou une grande ou une petite chose, excepté qu'elle est enregistrée dedans et calculée. Et ils trouvent tout ce qu'ils avaient fait présent devant eux. Et ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. Hein? C'est pas ton Seigneur qui t'a fait une injustice. C'est toi-même qui as mal agi. Et tu récoltes ce que tu as semé. Hein? Parce que dans le livre, il n'y a que ce que tu as fait et ce que tu as dit. Donc, ça c'est par rapport à qu'est-ce qui a été dit dans le tafsir de Cheikh Sa'di à propos de ces versets-là. Et dans le tafsir de Ibn Kathir, il dit: وَقَوْلُهُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى أَيَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا أي وَإِنْ تَدْعُ نَفْسٌ مُثْقَلَةٌ بِأَوْزَارِهَا إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة أي وإن كان قريبا إليها حتى ولو كان أباها أو ابنها كل مشغول بنفسه وحاله. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure à propos du fait que chaque âme aura apporté ce qu'elle a fait elle-même, même si ton proche ou ton père, ou ton fils, hein, tu lui demandes de l'aide, personne ne va t'aider. Dans cette vie, oui, dans cette vie, tu demandes à ton père, il t'aide. Hein, tu es un parent, tu demandes à ton fils, aide-moi à porter telle chose, il t'aide. Mais au jour de la résurrection, personne n'aide personne, chacun pour soi. Et il dit, ثم قال تبارك وتعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة أي إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنهى الخائفون من ربهم الفاعلون ما أمرهم به. Donc il dit que ceux qui vont profiter du rappel d'Allah, c'est uniquement, hein, ceux qui vont profiter de ce que tu as ramené, de ce avec quoi tu es venu, c'est-à-dire le messager, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le cheikh il mentionne, celui qui va prendre des leçons de ce que tu as ramené, en voulant dire le messager, qu'est-ce qu'il a ramené, et ceux qui font la da'wah aussi, lorsqu'ils appellent à Allah, ceux qui vont profiter de ce que tu mentionnes comme exhortation ou comme leçon ou comme durus ou comme enseignement, eh bien c'est uniquement les gens qui ont la compréhension et l'intelligence, hein, et qui craignent leur Seigneur et qui font ce que Allah leur a ordonné de faire. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه أي من عمل صالحا فإنما يعود نفعه على نفسه وإلى الله المصير. Donc celui qui fait du bien, c'est lui qui va en profiter. Et celui qui fait du mal, c'est contre lui-même. وإلى الله المصير. Donc comme on a dit, hein, ça c'est la même explication mais en plus résumé. Ensuite il dit dans la suite des versets. Là, c'est le verset 19. Le verset 19 et 19 à 24. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Hein? Donc, c'est-à-dire, l'aveugle et celui qui voit ne sont pas égaux, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même que ne sont pas égaux les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Muhammad, hein, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète, tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Hein? Tu n'es qu'un avertisseur. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur, et il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Donc le cheikh explique. Cheikh As-Sa'di, il dit: يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضداد في حكمة الله فيما أودعه في فطر عباده في فطر عباده وما يستوي الأعمى فاقد البصر والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات كما أنه من المتقرر عندكم الذي لا يقبل الشك أن هذه المذكورات لا تتساوى فكذلك فلتعلموا أن عدم التساوي أو عدم تساوي المضادات المعنوية أولى وأولى فلا يستوي المؤمن والكافر ولا المهتدي والضال ولا العالم والجاهل ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار ولا أحياء القلوب وأمواتها فبين هذه الأشياء من التفاوت والفرق ما لا يعلمه إلا الله تعالى فإذا علمت المراتب أو فإذا علمت المراتب وميزت الأشياء وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحقها بالإيثار. Donc le cheikh il explique la signification de ces versets-là. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe que yani, les choses qui sont opposées ne sont pas égales dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, et ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans la nature profonde même de chaque serviteur. Que il reconnaît et il sait en lui-même que celui qui est aveugle, hein, la personne qui ne peut pas voir, qui n'a pas la vue, elle n'est pas égale à la personne qui voit. L'aveugle n'est pas égal à la personne qui voit, dans le sens que il y a une différence entre les deux. Hein, c'est, aujourd'hui, on vit à une époque où les gens nient même les évidences même. Ils nient même les évidences même. Tu vas dire à quelqu'un: une personne aveugle n'est pas égale à celui qui est voyant. Ils vont dire: ben oui, ils sont égales. Hein, parce qu'ils ont été conditionnés à l'idée d'égalité entre toutes choses. Et donc, ils vont même mettre une égalité entre des choses qui n'existent pas. On parle de l'égalité dans la signification, hein, dans le sens, et dans les capacités, et dans les moyens, et dans les choses qu'on est capable d'accomplir. Donc c'est sûr qu'il y a une différence entre le fait d'être voyant puis d'être aveugle. Et s'il y a quelqu'un qui a un doute à ce sujet-là, hein, qui pense que les deux c'est égal, alors qu'il se crève les yeux et puis qu'il sorte dehors pour voir est-ce que c'est la même chose. Hein, il y a une différence entre les deux. Et les deux sont pas équivalentes. Donc, la personne voyante et la personne aveugle ne sont pas pareilles, hein, ne sont pas égales. De même que les ténèbres et la lumière. Il y a une différence entre les deux. La lumière, c'est... Hein, même des fois, quand tu es dans les ténèbres, quand tu es dans la noirceur, hein, c'est comme si tu es aveugle. Tu ne vois rien du tout, surtout s'il n'y a aucune lumière. Et de même que... La lumière, donc il y a une différence entre les ténèbres et la lumière. Quand tu es dans la lumière, tu vois, c'est clair. Mais l'aveugle, il est tout le temps dans le noir. Et la personne qui voit, eh bien, quand il y a de la lumière, elle voit. Quand il n'y en a pas, elle ne voit pas. Wala dhill wala al-harur. De même que il y a une différence entre l'ombre et la chaleur ardente. Hein, il y a une différence entre les deux. Est-ce que quand tu es à l'ombre, c'est la même chose que quand tu es au soleil, en plein soleil? Hein, à midi, dans la rue, non, il y a une différence entre les deux. De même que les vivants ne sont pas égaux et pareils et comparables aux morts. Il y a une différence entre les deux. Donc, de la même manière que ces choses-là, vous n'avez pas de doute à leur sujet et que vous reconnaissez les distinctions et les différences qui existent entre ces opposés-là qu'on a mentionnés, et qu'il n'y a aucune comparaison ou égalité entre les deux, alors sachez, le cheikh il dit, alors sachez de la même manière qu'il n'y a pas non plus d'égalité entre les opposés abstraites, c'est-à-dire les choses abstraites qui s'opposent les unes les autres, eh bien les différences et les inégalités. Et les différences entre les choses abstraites sont encore plus grandes que les différences qui existent entre des choses concrètes qu'on connaît dans la vie d'ici-bas et dans les choses concrètes, hein, de la dunya. Donc, par exemple, le cheikh il dit comme par exemple, de la même manière qu'on a dit que les choses qu'on a comparées qui sont opposées sont pas pareilles. Eh bien, la même chose, on ne peut pas dire que le croyant est égal au mécréant. C'est-à-dire, le fait d'être croyant, ce n'est pas pareil que le fait d'être kafir. Il y a une différence entre les deux. De même que le fait d'être guidé et le fait d'être égaré. Hein, c'est deux opposés complètement différents et c'est complètement inégal. Les deux, il n'y a pas d'égalité entre les deux, il n'y a pas de comparaison possible. Et il dit également entre le savant et l'ignorant. Est-ce qu'on peut dire que le savant et l'ignorant, les deux sont égaux? Hein? Non, c'est comme le jour et la nuit. De même que les gens du paradis, est-ce qu'ils sont comparables et égaux aux gens de l'enfer? Non, il n'y a pas d'égalité entre ces gens-là. Voilà, ahya al-qulub, voilà moi, tu vois. Donc, de la même manière qu'on dit que celui qui est vivant, il n'est pas égal à celui qui est mort, ou ne sont pas pareil à celui qui est mort, eh bien, celui dont qui est vivant dans la sur la les gens qui sont vivants sur la terre, mais que certains d'entre eux sont vivants parce qu'ils ont un cœur vivant, parce qu'ils sont croyants, et les autres qui ont un cœur mort, parce qu'ils sont des koufars, ils ne croient pas en Allah, ils obéissent pas à Allah, ils ne croient pas en sa révélation, eh bien, les deux ne sont pas comparables non plus. Donc, entre ces opposés là qu'on a mentionnés, qui sont des opposés dans les choses abstraites, qui sont des choses de la foi ou de la croyance, ou des choses qui ont rapport avec la foi en l'au-delà et la foi en Al-Ghayb, les différences entre ces choses-là, eh bien, elles sont des différences qui sont tellement grandes que c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui peut vraiment savoir l'écart qui existe entre les deux, tellement les différences sont grandes et écartées entre ces deux catégories-là, comme le croyant et le kafir, ou l'égaré et le guidé, et des choses de ce genre. Et donc, lorsque tu as compris donc les différents degrés et les différentes catégories des choses, et que tu les as distinguées, eh bien maintenant tu dois faire ton effort pour essayer de compétitionner dans le but d'obtenir justement ce qui est à l'opposé de ce qui est mauvais, et d'essayer de faire ton possible pour obtenir justement l'exemple de la foi. Et ça, c'est quelque chose que lorsqu'on lit le Coran et la Sunna, eh bien on arrive le plus possible à distinguer. Et je peux juste par exemple, je vous donne un exemple par rapport à qu'est-ce que j'ai je peux dire par rapport à qu'est-ce que j'ai connu moi-même, par rapport à des exemples de qu'est-ce que j'ai connu dans la religion chrétienne avant l'islam et maintenant. Et je peux dire que pour beaucoup de gens qui sont dans le christianisme ou dans d'autres religions, la distinction entre le vrai et le faux, entre la foi et la mécréance, entre l'égarement et la guidance, entre le bien et le mal, dans ces religions-là, les gens sont dans la confusion totale à ce sujet-là. Et ils sont confus. Et les choses ne sont pas claires pour eux. Et il n'y a pas une religion qui est plus claire dans ce domaine-là que l'islam. Et n'importe qui, justement, qui lit le Coran, qui lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui regarde l'exemple des sahaba, il va voir tout de suite et clairement à quel point les choses sont claires. Et que le halal, il est halal, il est clair. Et que le haram, il est haram, il est clair. Et non seulement Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous interdisent qu'est-ce qui est mauvais et ils nous ordonnent qu'est-ce qui est bien, mais ils nous ordonnent également qu'est-ce qui est recommandé. Ils nous demandent de faire qu'est-ce qui est recommandé pour nous rapprocher de l'obligation, et ils nous interdisent qu'est-ce qui peut nous amener au péché alors qu'il n'est pas nécessairement haram. Mais du moment que cette chose-là peut nous amener au haram, il devient haram lui aussi. Hein? Donc c'est pour dire que les limites sont tracées et elles sont claires. Et tu vas voir que parmi les musulmans, plus une personne a la connaissance de ce qui est dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle applique ça, plus elle va comprendre et voir la distinction entre la vérité et le faux, le halal, le haram, la sunna et la bid'a, le péché et l'obéissance. Elle va le voir de façon claire. Plus elle avance dans sa science et dans sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que si la personne, elle est musulmane, mais qu'elle reste dans l'ignorance, qu'elle s'écarte du Coran, qu'elle s'écarte de la sunna, qu'elle ne fait pas de recherche pour apprendre sa religion, mais plus cette distinction entre le bien et le mal, entre le halal et le haram, entre le tawhid et le shirk, entre la bid'a et la sunna, cette distinction devient floue. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la connaissance, parce qu'elle ne cherche pas la connaissance, parce qu'elle ne s'avance pas dans le ilm de l'islam. Et donc, quelqu'un doit faire des efforts pour ça, pour être capable de savoir la différence entre la foi et la mécréance. Beaucoup de gens aujourd'hui, parmi les musulmans, ils ne savent pas la différence de façon claire entre le shirk et le tawhid, entre le kufr et l'iman. Et qu'est-ce que sont les choses qui font sortir de la foi? Qu'est-ce que sont les conditions de la foi? Qu'est-ce qui sont les conditions de la ilaha illallah? Qu'est-ce que sont les choses qui annulent l'islam de quelqu'un? Hein? Et les principes, comme ça, les bases de la religion. Beaucoup de gens sont loin de ces réalités-là parce qu'ils ne les ont pas apprises. Hein? De même que la différence entre qu'est-ce qui est sunnah et qu'est-ce qui est bid'ah. Hein? Et entre la salafia et les voies d'égarement. Ils ne connaissent pas bien la différence parce qu'ils n'étudient pas comme il faut ces choses-là. Et ils ne retournent pas à la compréhension des salafs. Donc, ça c'est un point important. Et n'importe quel croyant qui veut réellement être capable de distinguer entre les choses, il doit faire tous ses efforts pour être capable justement d'obtenir les connaissances nécessaires pour être capable de faire ces distinctions-là. Et qu'il choisisse pour lui-même qu'est-ce qui est le plus bénéfique et le meilleur Hein? Et plus il aura la connaissance de ça, plus il fera le meilleur choix. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah yusmi'u man yasha sama'a fahmin wa qaboul li'annahu ta'ala huwa al-hadi al-muwaffiq wa ma anta bimusmi'in man fil qubur » أي أموات القلوب أو كما أن دعاك لا يفيد سكان القبور شيئا كذلك لا يفيد المعرض المعاند شيئا ولكن وظيفتك النظارة وإبلاغ ما أرسلت به قبل منك أو لا. الشيخ explique, il dit que Allah سبحانه وتعالى il mentionne إن الله يسمع من يشاء, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait entendre qui il veut. Hein? Tout à l'heure, on a mentionné dans le verset que tu vas seulement avertir, ou tu ne fais qu'avertir ceux qui craignent leur Seigneur sans l'avoir vu et établissent la salade. Parce que c'est, en réalité, même si tu avertis les autres qui ne craignent pas leur Seigneur, hein, alors qu'ils ne le voient pas et qui même si tu avertis ceux qui n'établissent pas la salat, ils ne vont pas en profiter. Parce que ça ne va pas les pousser à faire les œuvres et à faire des efforts. À moins que ces personnes-là sont sincères et sont touchées par leur appel et qu'ils écoutent et qu'ils suivent. Mais dans ce verset ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna Allah yusmi'u man yasha » Allah subhanahu wa ta'ala fait entendre qui il veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait entendre qui il veut dans le sens il donne l'ouïe à qui il veut? Non, il parle, tout le monde, qui ont l'ouïe, qui ont la capacité d'entendre, les capacités auditives, ils entendent la parole d'Allah. Ils entendent le Coran quand il est récité. Ils entendent les explications qui leur sont mentionnées. Hein? Et tu vas voir le mu'min. Et tu vas voir le pécheur, et tu vas voir le kafir, et tu vas voir les gens qui suivent leur passion. Tout le monde entend. Quand ils écoutent les paroles, ils entendent. Sauf que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah yusmi'u ma yasha, Allah subhanahu wa ta'ala fait entendre qui il veut, le cheikh explique, il dit c'est-à-dire d'une écoute de compréhension et d'acceptation. Donc c'est pas juste d'écouter, hein. Plutôt, c'est pas juste d'entendre quelque chose, mais c'est de l'écouter, de le comprendre et de l'accepter. Et c'est de cette écoute-là dont on parle. Innama yastajibu alladhina yasma'un. C'est uniquement ceux qui entendent qui répondent à l'appel. Mais de quelle entente on parle ici? Hein? On parle pas juste du fait d'entendre avec les oreilles. Même les animaux entendent. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala justement il dit وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. Donc Allah subhanahu wa ta'ala compare les koufars, par exemple lorsqu'on les appelle à l'islam, à des bêtes, à des animaux. Lorsqu'on les appelle, lorsque tu appelles un animal, est-ce que l'animal il comprend qu'est-ce que tu dis? Hein? Il comprend pas qu'est-ce que tu dis. Eh bien, ils entendent, mais ils comprennent pas. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle ici, de faire entendre, il parle en réalité de faire comprendre et de faire en sorte que la personne accepte. Et quand on dit que les koufars, dans ce sens-là, ils sont comme des animaux, eh bien, c'est dans le sens qu'ils ont des capacités et les moyens nécessaires pour comprendre parce qu'ils ont l'intellect, ils ont le cœur, ils ont l'ouïe, ils ont la vue, ils ont le cerveau pour réfléchir, un cœur pour réfléchir et tout, mais ils ne l'utilisent pas. Ils ne l'emploient pas, donc c'est comme si ça leur servait à rien. Et dans ce sens-là même, ils sont pires que des animaux, puisque les animaux n'ont pas la capacité, alors qu'ils ont, on peut pas les blâmer. C'est pas comme celui qui a la capacité mais qui ne l'utilise pas. Et donc ils n'entendent pas, c'est comme s'ils n'entendaient pas. لِأَنَّهُ تعالى هو الهادي الموفق. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui guide, c'est lui qui donne le succès. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète dans ce verset là sallallahu alayhi wa sallam, dit وما انت بمسمع من في القبور, et tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Hein? Tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. C'est-à-dire, le cheikh il dit, c'est-à-dire ceux qui ont les cœurs morts. Ou bien une autre signification aussi, une autre interprétation, ça pourrait être aussi que, de la même manière que si tu parles, ou si tu cries, ou tu t'adresses aux morts, ils ne peuvent rien entendre, et bien de la même manière, tu ne peux pas non plus faire entendre ou profiter la personne qui se détourne de la vérité et qui est obstinée à rejeter la vérité. Hein? Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là que ta tâche et ton devoir, c'est uniquement d'avertir et de transmettre le message qui t'a été envoyé. Que ce soit accepté de ta part ou non, tu transmets le message. Et c'est ça qu'on doit faire. Et c'est pour ça qu'il faut, hein, quand on fait la da'wah aux gens, on suit l'exemple des messagers. On doit suivre l'exemple des messagers. Et on doit appeler les gens à suivre l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté et nous a enseigné, et non pas essayer de déformer l'islam pour faire plaisir aux passions des hommes, pour les attirer à nous ou attirer à l'islam, comme le font par exemple les gens de Bid'ah et les Hizbiyin, qui inventent un islam pour faire plaisir aux gens, un islam qui est en accord avec les passions, pour que les gens soient attirés à cet islam là mais cet islam, c'est pas l'islam, hein, c'est en réalité une déformation de la réalité. Donc, يعني, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, وَلِهَذَا قَالَ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ. Tu n'es qu'un avertisseur. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. أي مجرد إرسالنا إياك بالحق لأن الله تعالى بعثك على حين فترة من الرسل وطموس من السبل واندراس من العلم وضرورة عظيمة إلى بعثك وضرورة عظيمة إلى بعثك فبعثك رحمة للعالمين وكذلك ما بعثناك به من الدين القويم والصراط المستقيم حق لا باطل وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق بشيرا لمن أطاعك بثواب الله العاجل والآجل ونذيرا لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجل ولست ببدع من الرسل فما من أمة من الأمم الماضية والقرون الخالية إلا خلا فيها نذير يقيم عليهم حجة الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. Donc, le cheikh il dit, tu n'es qu'un avertisseur, hein, et nous t'avons envoyé avec la vérité, hein, c'est-à-dire nous t'avons envoyé uniquement avec la vérité. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé à un moment où il n'y avait plus eu de messagers depuis longtemps, et que les voies avaient été perdues, et que la science avait été égarée, et donc c'était une grande nécessité que tu sois envoyé à ce moment-là. Et Allah t'a fait donc envoyer comme messager, comme une miséricorde pour les hommes. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à ce moment-là, c'était comme une miséricorde pour l'humanité. Et ça, c'est toujours le cas jusqu'à la fin des temps. La venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde pour l'humanité et pour le monde. Et de la même manière, donc, ainsi il t'a envoyé, hein? Il dit, ainsi nous t'avons envoyé avec la religion de la droiture et le droit chemin. C'est une vérité, il n'y a pas de fausseté là-dedans. De même que nous t'avons envoyé avec ce Coran, ce grand Coran, qui comprend, qui comprend le rappel sage de vérité et de véracité et de sincérité. Et nous t'avons envoyé comme avertisseur et comme annonciateur pour celui qui, donc annonciateur d'une bonne nouvelle pour celui qui t'obéit, qu'il aura la récompense d'Allah dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et de même que comme un avertisseur pour celui qui désobéit, hein, qu'il aura le châtiment d'Allah dans cette dunya et dans l'au-delà. Et tu n'es pas quelque chose de nouveau parmi les messagers. Tu n'es pas quelque chose de nouveau parmi les messagers. Et il n'y a pas une nation parmi les nations passées et les générations qui ont précédé, excepté que il y avait un avertisseur qui a été envoyé pour eux. Hein? Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Et la raison pour ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala veut établir la preuve sur eux, pour que celui qui périsse après que la preuve lui a été clarifiée. Donc c'est comme s'il choisit de périr lui-même, parce que la preuve a été établie sur lui. Ou que s'il choisit de prendre la vie et de suivre les messagers, eh bien, il va vivre après avoir reçu la preuve, hein, de, justement, du fait qu'il suit qu'est-ce qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, et il a eu la promesse de la récompense. Donc il va suivre et obéir aux messagers, et donc il aura la vie à cause de ça, et il suivra ça avec preuve. Donc ça, c'est qu'est-ce qui a été mentionné dans ces versets là à ce sujet. Et dans les versets dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, il clarifie ces points là en disant, de façon plus résumée, il dit kama la tastawi hadhihi al-ashya al-mutabayyina al-mukhtalifa kal-a'ma wal-basir la yastawiyan bal baynahuma farqun wa bunun kathir كما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وكذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء والكافرين وهم الأموات كقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمثله في الظلمات ليس بخارج منها وقال عز وجل مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فالمؤمن بصير سميع في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون والكافر أعمى وأصم في ظلمات يمشي لا خروج له منها بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. أي نعم. دونك le cheikh explique donc les versets où Allah subhanahu wa ta'ala nie les comparaisons et les égalités entre les choses qui s'opposent. Et donc le cheikh, dans le tafsir Ibn Kathir, il dit que ces choses-là qui sont différentes et opposées ne sont pas égales, hein? Il nie cette égalité-là, comme l'aveugle et le voyant ne sont pas égaux. Et il y a des différences, des grandes différences entre les deux. De même que les ténèbres et la lumière, l'ombre et la chaleur ardente. De même que les vivants et les morts ne sont pas égaux. Et ça, c'est un exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne pour les croyants. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont les vivants et les kafiroun, les koufars, qui sont les morts. Et ça, c'est expliqué dans plusieurs autres versets, comme le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce qui signifie. Hein, est-ce qu'on peut comparer celui qui est mort, puis que nous avons ramené à la vie, et que nous lui avons donné une lumière dans laquelle il marche parmi les hommes, est-ce que celui-là est comparable à celui qui vit dans les ténèbres et qui n'en sort pas? Hein, ça, c'est un premier verset. Et c'est clair qu'il n'y a pas d'égalité entre les deux, de ressemblance entre les deux. Et l'autre verset, l'exemple des deux groupes sont comme les vivants et les sourds, et les voyants et les audients, comme l'aveugle et le sourd, le voyant et l'audient. Est-ce que les deux sont égaux? Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il compare le croyant et il le mentionne comme étant celui qui voit et qui entend, et qui est dans la lumière et qui marche sur un chemin droit dans la dunya et dans l'au-delà, et dont la situation ou l'état va être établi de façon permanente et éternelle dans le paradis, et qu'il sera donc dans le paradis sous les ombres et les ruisseaux, et qu'il compare donc le kafir, lui, à celui qui est aveugle et qui est sourd et qui vit dans les ténèbres, et qui marche dans les ténèbres et qui n'en sort jamais, et qui reste constamment dans son errance et dans son égarement et dans sa déviation dans la dunya et dans l'au-delà, jusqu'à ce que cela l'amène vers la chaleur ardente et la fumée de l'enfer, de même que l'eau bouillante. Il n'a pas d'ombre excepté l'ombre de la fumée qui brûle, et il n'a pas de fraîcheur et il n'a pas d'amis, rien, personne. Il reste dans l'enfer comme ça. Donc ça, c'est deux choses totalement différentes et opposées, et l'une, c'est certain que l'une n'est pas égale à l'autre. Et si tu demandes à n'importe qui, à n'importe quel être humain, lequel des deux tu préfères, dans quel de ces deux groupes-là tu veux appartenir, auquel de ces deux groupes-là tu veux appartenir, et c'est certain que ils vont choisir le parti ou le côté des croyants. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala donne cet exemple-là, justement pour faire réfléchir les hommes et pour les amener à faire le bon choix. Et il dit ensuite: wa qawluhu ta'ala inna Allah yusmi'u man yasha' ay yahdihim ila sama' al-hujjah wa qabulha wa al-inqiyad laha wa ma anta bimusmi'in man fi al-qubur. Ay kama la yantafi'u al-amwat ba'da mawtihim wa sayruratihim ila quburihim كما وهم كفار بالهداية والدعوة إليها كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم إن أنت إلا نذير أي إنما عليك البلاغ والإنذار والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أي بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Donc ici il n'y a pas vraiment rien de plus qui a été rajouté dans l'explication. C'est la même explication qui a été mentionnée de ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui, pour le tafsir. Et demain, on va reprendre à partir du verset. Donc on va reprendre à partir du verset 25.